j'ai à peine l'impression d'en avoir 30. La main sur la feuille, mon stylo tremble. 75 Paname, c'est pas le pays des merveilles. Les fils traînent la nuit pendant que les merveilles m'énerveillent. Enfant de quartier, enfant de Tessie, hein. J'écris la réalité, pas de fantaisie. Deux, et si tu vois, mec, y'a rien de fascinant. On veut la vie de rêve, faire des thunes facilement sur le ciment. On se tape pourtant, on a les mêmes gueules. On vise la même cible, mais pas avec les mêmes guns. J'gueule pour tous ces gosses assassinés. Au Proche-Orient, le monde, un sale ciné. Sinon, sur feuille blanche, couche qui me touche. Trop mis à l'écart, les miens sur le banc. Touche, bouche, fait croire tant de choses mais il ment. P.O. pacifique, juif, chrétien, musulman. Effectivement, perdu sans boussole. L'homme assoiffé de sang tue pour un bout de sol. Tout seul, parfois je perds la raison. J'ai beau trimer, ramer, je vois pas l'horizon. Vision hard, sans cesse qui me tourmente. Le son tourne comme une pute lors d'une tournante. Manque de respect, ça se fait ressentir. Sans ça, comment veux-tu consentir, consentir. Qu'il faut briser les chaînes. Je vais croquer ma part, finir en haut. L'échelle, Zéchum, la femme se prend pour un gum. Les couilles d'un keuf sont repassées par un gun. Girl, boy, nos têtes sont pleines de tragédies, ma j'rappe ma peine. Ma haine, c'est de voir l'Afrique trop pillée. Histoire de piller, ils nous ont estropillés, grillés. Nous les hommes, nous le sommes. J'arrête pas de lutter jusqu'à que mon heure sonne. J'ai le seum, ouais, alors je m'exprime. Ça tourne autour d'eux, violence s'exprime. J'crie pour toute ma communauté. Mes textes puent la mort comme une odée. Comme me noter, je me sens à présent. À 13 ans, l'engrenage te prend, c'est stressant. Ouais, je pressens. Casse dédié à ceux qui m'aiment. L'âme vit un combat et c'est le mal qui mène. Et même si l'espoir perd son éclat, je continue d'y croire, un jour ça va t'éclat. Mes gars, mon point de repère sur cette sphère, y'a pas grand chose qui puisse nous satisfaire. Je flaire le danger sur l'hémisphère. On veut se venger, faut que la paix s'émise, frère. J'erre sans but sur une terre maudite. L'homme fait la pute pour des sommes maudites. J'indique, revendique, j'ai trop idées. La vérité à leurs yeux est prohibée. Mes idées, hein, rien à foutre ce que t'en penses. J'suis pas un mouton, non, j'suis pas la tendance. On danse avec le diable, j'en suis bénéfice. Dis-moi dans tout ça qui en tire les bénéfices. Freiner le vice, économie parallèle. Fume des substances qui ne sont pas halal. Crie à l'aide, écoute, personne t'entend. Bicrave et tout, j'avoue c'est tentant. Mon temps, mais compter, les yeux cernés. J'écraine mon chapelet par l'angoisse cernée, concernée. Je me le dis bien souvent. On finira comme des feuilles mortes balayées sous le vent. Ce qui nous attend est indescriptible. Et ma foi en l'au-delà est indescriptible. Susceptible à chaque fois dénigré. MC Ricta, fier d'être fils d'immigré. Malgré les épreuves avant l'enterrement, je dois faire les choses par moitié mais entièrement. J'ai tellement échoué que mes textes traînent. Le boulet du regret jusqu'à l'extrême. Emblème racial, un état nazi. Plus de suicides et d'euthanasie. Vas-y, viens faire un tour là où ça tombe. Là où ça plombe, chétane mat du haut de sa tombe. Satan, tu t'asphyxies, la parlate. Scarlate, soyons dans une vague de sang écarlate. Regarde là, chef d'état escroc. Juste des logements décents, franchement est-ce trop. Faut qu'on les blesse trop, eux leur justice. Parle pas d'égalité, tout est injustice. R-I-K-T-A, 18 piges à peine, je transcris ma peine. Ça.